Par rapport à forcer le contact, forcer le contact, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Puis, vous ne pouvez pas forcer votre double à vous parler. C'est presque impossible. Vous ne pouvez pas forcer le contact tout seul, par exemple, avec le double. C'est presque impossible. Par contre, vous pouvez forcer le contact des fois avec l'esprit. Mais là, ça prend certaines conditions, comme par exemple, là, s'il y a une condition difficile, certaines épreuves. Ça peut arriver de forcer le contact, pouvoir avoir un contact avec l'esprit. Mais forcer le contact avec le double, ça, c'est pas. Moi, j'ai pas d'exemple, genre, dans le sens au niveau de ce que j'ai vu, ce qu'on m'a rapporté, on peut pas forcer le contact avec le double. En tout cas, pas tout seul. Puis même là, ça, c'est une question de timing, on dirait, puis c'est une question aussi d'être prêt. Ça arrive quand ça arrive. Mais il est possible de forcer le contact avec l'esprit. Mais tout seul, c'est difficile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible avec l'esprit, pas avec le double nécessairement. Mais par contre, le contact avec l'esprit, il est possible de le forcer. Mais là, ça va prendre énormément de. Ça prend beaucoup, beaucoup de. Il faut être dans une situation difficile. C'est des mécanismes de survie jusqu'à un certain point. Au sens, pas la survie au sens nécessairement de survivre, mais au sens d'être sorti des lois de la vie ordinaire par une situation extraordinaire. Puis d'arriver à une vie au-delà de la vie, dans le sens que, si on peut dire, de frôler une surhumanité, si on peut dire. J'ai déjà entendu une voix très claire me dire un matin, juste avant de m'ouvrir les yeux, t'inquiète, je vais te sortir de là. Ben oui, ben, je veux dire, c'est par en haut que ça vient, dans le sens que le contact se fera pas par un mouvement de l'ego. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas forcer le double à vous répondre, dans le sens, on peut forcer un contact avec l'esprit, mais le double, ce n'est pas les mêmes mécaniques. C'est pas fusionner avec son double passe forcément par une mise en initiation. Ça fait peur quand même. Oui, mais là, juste la prise de la formation du double, c'est-à-dire qu'il se rapproche de vous, ensuite la dépollution du mental, ensuite de la dépollution de l'ego, la dépolarisation du mental, ensuite la fusion avec le double, c'est beaucoup plus tard, là. Ça commence pas par ça, là. Mais ça commence par ça, les mises en initiation, oui, parce qu'au niveau expérimental, pour qu'il y ait une sortie de la subjectivité de l'ego, puis qu'il y ait des cassures de ce qu'on pourrait appeler des programmes, ça prend des chocs, puis ça prend de l'énergie. Puis l'énergie la plus disponible sur Terre, c'est l'énergie de la souffrance expérimentale, en se transmettant, va transmettre d'autres structures. C'est là que, mais faut pas avoir peur,